of all people. It's in the dream that you had so long ago that lives in all of the hearts of people. Believe in you. We'll make the dream become a reality. I know we will. Because our hearts tell us so. Souvenir à l'instant, signé Stevie Wonder. Dans moins de 30 secondes, le journal de Réunion Première. Avec Réunion Première et les 12h01. Le journal Antoine Garnier, bonjour. Bonjour Claude, bonjour à tous. Colère et sentiment d'insécurité sur le campus du Moufia suite au viol d'une étudiante dans une résidence universitaire lundi après-midi. Et après la manifestation qui a rassemblé plusieurs centaines d'étudiants hier matin, un nouveau rassemblement est prévu cet après-midi. Pour améliorer la sécurité à la fac, faut-il fermer le campus et les ITU, interdire l'accès aux personnes étrangères à l'université? Oui, répond Lounis Saïbi. Nous entendrons le fondateur du syndicat étudiant La Réforme dans cette édition. Le parc national bientôt passé à la loupe. La région a voté hier pour la réalisation d'une étude sur les points forts et les points faibles du parc national de la Réunion. Une étude à 50 000 euros qui n'est pas du goût des élus de l'opposition. Explication à suivre. Bienvenue sur Réunion Première. Les policiers de la Sûreté départementale enquêtent à la fac. Un jeune homme a été placé en garde à vue hier soir dans le cadre de cette enquête sur le viol d'une étudiante sur le campus du Moufia lundi. Hier à Saint-Denis, plusieurs centaines d'étudiants sont descendus dans la rue pour dénoncer le manque de sécurité sur le site de l'université et dans les résidences étudiantes. Une délégation a été reçue par le directeur du CROUS et le président de l'université sans que ces échanges ne donnent lieu à des annonces concrètes. Cet après-midi, le président de l'université rencontrera les étudiants sur le campus afin d'échanger avec eux au sujet du sentiment d'insécurité qui semble grandir dans leur rang. Aujourd'hui, les jeunes étudiantes redoublent de vigilance et de précaution. Anaïs et Karine sont étudiantes en première année de sciences de la vie et de la terre. Elles ne cachent pas leurs troubles devant un tel drame. Je trouve que c'est horrible ce qui s'est passé et qu'il ne faut plus laisser les portes ouvertes, quoi. Donc tout le monde peut venir et donc c'est horrible, quoi. Vous avez peur ? Oui, j'ai peur. parce que je sais que maintenant le monde y va plus comme avant et à La Réunion c'était pas du tout comme ça. Voilà. Vous en pensez quoi ? Bah écoutez, bah, moi aussi ça me fait peur parce que étant donné que moi j'habite un peu plus loin, je sortir à 18h15 se dire que peut-être quelqu'un pourrait nous faire du mal comme ça en sortant. Enfin, dire que la fac c'est vraiment plus sûr qu'on vient juste pour travailler, ben oui, ça fait peur. Et ben, c'est vrai que ben, je trouve qu'il y a un manque de sécurité parce que de là à ce que des gens qui ne soient pas de la fac puissent entrer ou sortir comme ça, ben, c'est pas bien. Des propos recueillis par Delphine Poudroux. Et le Crous rappelle aux étudiants locataires des hébergements étudiants qu'un numéro d'urgence est mis à leur disposition. Il s'agit du 06 92 05 88 55, le numéro d'urgence du Crous pour les étudiants. Des étudiants qui demandent à être rassurés, mais comment faire ? Faut-il fermer le campus et les sites EU, filtrer les entrées et interdire l'accès aux personnes étrangères à l'université ? Lounis Saïbi est pour étudiants et élus au conseil académique de l'Université de La Réunion. Il était l'invité de la matinale. Ça rassurerait les étudiants qui aient une non-libre circulation. Je veux dire, à l'heure actuelle, au sein de notre campus, on y rentre et on en sort comme on veut. Nous, on a entendu des histoires même de deals au niveau des cités, des résidences étudiantes. On en peut en parler effectivement de trafic de Zamal, trafic de drogue. C'est ça, trafic de drogue. J'ai même entendu, bon après c'est que des oui-dire, mais j'ai entendu parler de trafic d'armes également. Donc je veux dire que voilà, le climat aujourd'hui est propice à, non seulement à une insécurité, mais les étudiants n'ont même plus cette envie, ne sont même plus sereins d'aller étudier au sein du campus. Lounis Saïbi, élu au conseil académique de l'université et fondateur du syndicat étudiant La Réforme, était interrogé par Philippe Dornier. Au tampon, mauvaise surprise pour Jean-Paul qui entretient des tombes au cimetière de Terrain-Fleury. Hier après-midi, cet homme a découvert qu'une demi-douzaine de tombes dont il a la charge avaient été saccagées. Du désherbant a été versé sur les plantes et tout était en état de dessèchement avancé. Jean-Paul a vite remarqué que seules les tombes qu'il entretient avaient été visées. Un acte malveillant pour lui, que la victime dénonce avec vigueur et colère au micro de Pierre Comorassami. Avant-hier, on est passé. C'était bien fleuri, c'est tout. Ben là, hier après-midi, on est passé, ben on a vu que quelqu'un a mis des désherbes. On dit que les tombes qu'on occupe, ben c'est quelqu'un qui connaît notre tombe, où est placé, quelle tombe nous occupe, ben c'est la jalousie. Il y avait eu 7 qui étaient abîmés. Quand on est par là, il fait ça parler à nous. C'est décourageant. Il s'accale mon travail, c'est un travail d'un an. Mais après, là, le 1er novembre va arriver, et les gens qu'on va dire. Hein. Ben, il me dit qu'il faut arrêter de saccager les cimetières, il faut respecter les morts, faut respecter les personnels, faut respecter les personnes qui entretiennent les tombes. C'est pas bien. C'est pour ça que C'est ça me met en colère. Jean-Paul, qui ne décolère pas, mais qui est quand même retourné au travail ce matin et a entrepris de remplacer toutes les plantes mortes. Midi 6 sur Réunion Première, la suite de votre journal, Antoine Garnier. La région Réunion veut évaluer les qualités et les défauts du parc national. Elle a voté hier en commission permanente le lancement d'une étude visant à dresser le bilan des atouts et des points de blocage du parc. Cette étude, qui va coûter 50 000 euros à la collectivité, est présentée comme un outil de réflexion par la majorité. Mais l'opposition régionale y voit plutôt une manière de justifier un éventuel déclassement du parc national en parc régional. C'était d'ailleurs l'un des engagements de la campagne du président Didier Robert en décembre dernier. Les élus de l'opposition craignent qu'un changement de statut du parc anéantisse le travail de préservation environnementale accompli depuis sa création il y a 10 ans. Delphine Poudroux. Souvenez-vous, c'était en décembre 2015. Le président de région Didier Robert était à l'époque en campagne pour les régionales. Le parc national, de mon point de vue aujourd'hui, est un outil un peu trop contraignant. Donc l'objectif, c'est effectivement de pouvoir glisser vers la notion de parc régional qui permettrait à la fois de préserver, mais également d'assurer le développement et peut-être, pourquoi pas demain, la création de structures d'hébergement, donc sur des sites emblématiques autour du volcan ou dans les très belles forêts réunionnaises. Mais aujourd'hui, lorsqu'il s'agit d'expliquer le pourquoi de cette étude sur le parc national, le président Didier Robert s'exprime par la voix de son élu, Sylvie Moutoukomorapoulé. Nous en sommes au stade des réflexions. Nous voulons précisément savoir où on va, mais aujourd'hui, en aucun cas, on est parti pour déclasser le parc. Alors forcément, même si la région affirme vouloir analyser toutes les situations de blocage sur le parc, Du côté de l'opposition, on s'interroge. Patricia Profil est conseillère régionale PLR. J'ai posé la question, est-ce qu'il y a des intérêts privés de familles qui sont mis en avant dans cette réflexion? Le président ne m'a pas répondu. Au-delà, le PLR craint surtout que le changement de statut qui se profile entraîne la perte du label UNESCO, un atout devenu essentiel pour le tourisme local. Delphine Poudroux, c'est outre les 50 000 euros débloqués pour cette controversée étude d'impact du parc national de la Réunion, les conseillers régionaux réunis hier en commission permanente ont aussi voté des aides et des subventions diverses dans de nombreux secteurs. On fait le point avec Gaël Le Dantec. Parmi les montants les plus importants votés hier, on retiendra ceux alloués à la mobilité éducative. 2 millions d'euros, dont 80% pris en charge par l'Europe, pour l'aide à la première installation des étudiants réunionnais en métropole ou à l'étranger. Dans le même ordre d'idées, la région a décidé d'octroyer plus d'1 300 000 euros pour le projet RSDTAC, qui vise à accompagner près de 500 personnes éloignées de l'emploi. 3 millions d'euros pour accompagner un public en situation d'illettrisme. Dans ces deux opérations, l'Europe sera sollicitée pour en financer 80%. 15 millions d'euros ont été engagé pour la réhabilitation du centre de formation de l'AFPAR de Saint-Paul. Du côté des aides au secteur privé, on retiendra les 500 000 euros octroyés au secteur de la production audiovisuelle, dont 200 000 pour le tournage d'un épisode de la série Une famille formidable. Près de 600 000 euros d'aide à la société Flyer qui fabrique des drones, autant pour la création d'un hôtel à Terre Sainte. Les aides européennes aux entreprises pour compenser l'éloignement passent aussi par le vote des conseillers régionaux qui ont voté plus de 2,5 millions d'aides avec par exemple 375 000 euros pour la distillerie Jean Châtel ou 570 000 pour l'imprimerie Chanpan. A noter enfin 1 million d'euros pour la reconversion de l'ex-médiathèque Simandef de Saint-Paul. Gaël Le Dantec, Car Jaune souffle ses 20 bougies et le réseau de transport se modernise avec une application pour smartphone, du Wi-Fi et des prises USB disponibles désormais dans les véhicules. En 20 ans, les Car Jaunes ont bien changé et qui est mieux placé que vous, les usagers du réseau, pour témoigner de ces évolutions? Hormis quelques problèmes de retard, les Réunionnais semblent satisfaits de leur fameux Car Zone. Aurélie Constant a recueilli vos impressions. Ça fait un bon temps que je prends le bus. J'ai pas de transport, j'ai pas de bagnole, je conduis pas. Il vaut mieux prendre un bus. C'est un petit peu étroit le couloir pour les valises, mais sinon ça passe. C'est moderne, c'est mieux qu'avant quoi, par rapport aux années avant. C'est plus spacieux, c'est plus confortable. La chaleur est climatisée, pour avoir les agents de sécurité aussi. La sécurité est un petit peu mieux, et puis un petit peu le confort. Alors, pas de bousculade, tout le monde a une place. S'il n'y a pas de place, c'est prononcé, il faut attendre l'autre qui arrive, mais ça va. Nord jusqu'au sud, ça va, du côté de l'ouest. Je pense que l'autre côté, c'est différent quand même. Il reste encore du boulot, mais c'est déjà pas mal. Nous sommes mercredi, la rédaction de Réunion Première vous donne donc rendez-vous à 18h15 ce soir pour un nouveau numéro de notre magazine Dans les coulisses. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de l'armée à La Réunion. Les militaires font partie des forces armées dans la zone sud-océan Indien, les FASOI, qui étaient en démonstration de force vendredi dernier à l'étang Salé. Sur terre, sur mer et dans les airs, environ 150 militaires ont pris part à l'exercice interarmée Bizerte 2016. Diverses manœuvres qui suivent un scénario bien ficelé avec pour objectif de montrer aux autorités civiles du département les capacités et le savoir-faire des FASOI, garant de la protection des intérêts des ressortissants français dans la zone océan Indien. Parmi les spectateurs également, des collégiens et des lycéens, notamment Titouan, qui est en troisième au collège Jules Solès de Bois-de-Nèfle-Saint-Paul. Il est membre du TAF pour Terres australes et antarctiques françaises. On vient pour assister au largage des militaires pour justement pouvoir nous expliquer comment ils fonctionnent. Parce qu'on protège l'armée, protège ces îles et d'autres pays veulent s'en emparer. Et c'est quoi l'intérêt pour la France de ces îles? L'intérêt c'est que en fait il y a du pétrole dans l'eau de ces îles et c'est une richesse que d'autres pays n'ont pas, d'autres pays veulent s'en emparer parce qu'on est en ce moment on n'a plus beaucoup de pétrole sur la terre. Et il y a aussi des faunes et des flores qui n'existent nulle part ailleurs que sur ces îles. Voilà, Titouan, collégien et membre du club TAF, était au micro Réunion Première de Stéphane Nilorac. Le magazine Dans les coulisses de l'armée, c'est ce soir à 18h15 sur Réunion Première Radio. Il est midi et 12 minutes sur Réunion Première. On fait tout de suite un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Hervé Mariton a fait son choix. Il soutient Alain Juppé pour la primaire à droite. Le député de la Drôme l'annonce ce matin sur France Inter, une semaine après sa disqualification faute de parrainage. « Je ne suis pas d'accord à 100% avec Alain Juppé », dit Hervé Mariton, « mais ça me paraît être le candidat le plus sincère ». Le gouvernement dévoile ce matin le budget 2017. L'État va dépenser l'an prochain 7 milliards d'euros de plus que cette année pour la lutte contre le terrorisme, mais aussi pour les baisses d'impôts. Mais le gouvernement assure que le déficit repassera malgré tout sous la barre des 3%, comme le demande l'Union européenne. Barack Obama salue la mémoire d'un homme qui n'a jamais cessé de croire en la paix. Shimon Peres, l'ancien président d'Israël, est mort cette nuit à l'âge de 93 ans. Il avait notamment reçu le prix Nobel de la paix en 94 après les accords d'Oslo avec la Palestine. Une comptable d'un lycée de Saint-Brieuc est condamnée à 2 ans de prison avec sursis. Cette mère de famille a détourné pendant des années des chèques de cantine. Le préjudice dépasse les 400 000 euros. Elle a été licenciée depuis pour faute lourde. C'est une information de France Bleu. Et puis soirée en demi-teinte pour les clubs français en Ligue des champions de football. Monaco arrache le nul face au Bayer Leverkusen. Mais Lyon s'incline au FC Séville. Ce soir, Paris se déplace à Ludogorets. C'est en Bulgarie. France Info. Vous êtes sur Réunion Première, le 12-13 continue. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Nous sommes à la veille du coup d'envoi d'Octobre Rose. Comment faire face au cancer du sein tout en préservant l'estime de soi? C'est la question que vous posez à vos invités ce midi, Philippe. Ils ont des solutions, Antoine, vous le verrez, entre la chirurgie qui fait des progrès et puis les soins du corps, comme le maquillage, la manucure ou encore l'épilation. Une femme qui garde une bonne image d'elle-même, c'est une femme qui se bat plus efficacement contre le cancer. 02 62 99 2000 pour toutes vos questions sur ce qui se fait, les conseils, les mises en garde aussi. Quel temps cet après-midi? Réponse avec Ingrid. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Eh bien Philippe, en ce début d'après-midi, la moitié nord-est, les hauts de l'est et du sud-est se retrouvent sous les nuages. Des averses se déclenchent, surtout sur le volcan et ses abords, ainsi que dans la forêt de Takamaka. La région littorale entre Saint-Pierre et Saint-Gilles est épargnée. On y bénéficiera de quelques éclaircies. L'alizée d'est est modérée avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h dans le sud sauvage jusqu'à Saint-Pierre et de Saint-Benoît à Saint-Denis. Dans les hauts, près du volcan et à la plaine des Cafres, les rafales de nord-ouest soufflent jusqu'à 50 km/h. Sur les côtes sud et sud-ouest, la mer est agitée à localement forte par une houle modérée de sud-ouest qui aura tendance à s'amortir. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi, sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Des cases à lire partout sur l'île pour lutter contre l'illettrisme. L'objectif, se réconcilier avec la lecture, l'écriture ou encore le calcul grâce à des activités de loisirs pratiquées gratuitement dans un endroit familier. Pour connaître la case à lire la plus proche de chez vous ou pour plus de renseignements, appelez le 0800 111 035 ou rendez-vous sur le www.régionreunion.com. Chez les Martins, on aime passer des moments à la maison bien au frais. Alors on met la clim. La clim bruyante et chère. Très cher. Aussi, chez les Martins, on a fini par faire appel à un conseiller et aux aides de l'État pour refaire l'isolation de la maison et installer des brasseurs d'air. Et ça, sans se ruiner. Contactez un conseiller Rénovation Infoservice au 0808 800 700 ou sur rénovationinfoservice.gouv.fr. Service gratuit plus prix de l'appel. Pour être au frais sans se ruiner, mieux vaut se faire conseiller. Un service du ministère de l'Environnement et de l'Énergie et de l'ADEME. Première. 12h17 sur la première, c'est dans l'actu avec Philippe Dornier et ses invités. Cancer du sein, garder sa féminité malgré tout. «

1,2 million de foyers fiscaux changent de situation personnelle suite à un mariage, à un PACS, malheureusement un décès, un divorce. Dans toutes ces situations, l'impôt ne s'adapte aujourd'hui qu'avec retard. Avec le prélèvement à la source, ces changements pourront être pris en compte dès leur survenance. Et ça change tout. Deuxièmement, l'État ne réalise